Voici, en une heure, des extraits des trois derniers livres de la Nouvelle Héloïse, roman publié par Jean-Jacques Rousseau en 1761. Le titre de ce roman fait référence à une des dames du temps jadis, chantée par Villon et Brassens notamment, à savoir la très sage Héloïse, séduite au début du XIIe siècle par Abélard, son professeur. Choix des textes, résumés et enregistrement de Jean-Paul Alexis, novembre 2018. À partir de l'œuvre complète que je n'ai lue qu'une fois, plus de 800 pages, pour un choix plus objectif des extraits, je me suis appuyé sur différentes éditions abrégées, essentiellement celle de Morel, publiée dans les classiques Larousse en 1937.